Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a répondu le 20 octobre à la question d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour dénoncer les États-Unis qui parlent d'une soi-disant sanction morale sous prétexte du problème des droits de l'homme. Il a dit notamment « Il y a quelque temps, les États-Unis ont envoyé à Séoul l'ancien rapporteur spécial de l'ONU chargé de la situation des droits de l'homme en Corée. Ce dernier a péroré, sous prétexte du problème imaginaire des droits de l'homme, qu'il faut exercer la sanction morale, c'est-à-dire empêcher notre pays de participer aux Jeux Olympiques ou à d'autres compétitions sportives internationales, ou empêcher de faire les échanges sportifs avec les autres pays. C'est le sophisme d'un ignorant, d'un aliéné qui n'a aucune connaissance élémentaire de l'esprit olympique sacré, qui a pour mission principale la paix, l'amitié, la solidarité et la coopération, et des principes reconnus dans la société internationale. L'ancien fonctionnaire de l'ONU a été la marionnette des États-Unis au cours de toute sa mission. De façon partielle, il a répété comme un perroquet des mensonges inventés par les forces hostiles. C'est un lâche qui a joué le rôle de troupe de choc de la campagne contre les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée. Ce qui est dérisoire, c'est que le porte-parole chargé du problème de l'Asie-Est et du Pacifique du département d'État américain a tout de suite déclaré qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit et que c'est un problème à discuter à l'ONU aussi. Ces jours-ci, le secrétaire d'État, l'assistant au secrétaire d'État chargé du problème de l'Asie-Est et du Pacifique, le représentant des États-Unis à l'ONU et autres, calomnie la situation des droits de l'homme de notre pays en tout lieu et en tout temps, rencontrant des déserteurs du Nord. Les États-Unis ont poussé le nouveau rapporteur spécial de l'ONU à porter devant l'Assemblée générale de l'ONU en cours le rapport sur les droits de l'homme contre la République populaire démocratique de Corée, rapport plein de falsifications et de mensonges. Les faits montrent clairement combien est misérable la situation des États-Unis qui se disent unique superpuissance mondiale et combien est insensée l'hostilité américaine à l'égard de la Corée. Nous n'avons aucun intérêt à ce que l'ONU traite ou non ce problème, mais les États-Unis et leurs suivistes seront responsables de toutes les mauvaises conséquences imprévisibles.